premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du corps. Aujourd'hui, le corps au cœur du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, un livre paru il y a 70 ans, en 1949. À la fin de cette semaine, dès jeudi soir même, l'Institut du Monde Arabe à Paris accueillera les rendez-vous d'Histoire du Monde Arabe consacrés cette année au corps. Voilà qui nous a donné l'idée de consacrer notre semaine à ce thème et pas nécessairement à ce thème dans le monde arabe seulement. Demain, nous nous intéresserons au corps noble et au corps du roi. Mercredi, au corps dans l'Antiquité. Jeudi, le documentaire portera sur les militants et militantes qui pratiquèrent l'avortement juste avant la loi Veil, tandis que vendredi, avec nos partenaires du magazine Histoire, nous nous intéresserons au corps au premier temps de l'islam. Et aujourd'hui, nous allons nous souvenir qu'il y a 70 ans, en 1949, paraissait un livre essentiel, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et nous le ferons en compagnie de Sylvie Chaperon. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès, chercheuse au Framespa, et elle travaille depuis plus de 20 ans sur Simone de Beauvoir et sur son rôle dans le féminisme contemporain. Elle est en direct depuis les studios de France Bleu Toulouse. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Ce sont naturellement ces pages-là dont on s'est le plus occupé et qu'on a le plus lu, et peut-être qui amuse le plus les gens, mais il y en a une très grande quantité d'autres qui sont consacrés à tous les problèmes du travail, du ménage, du cœur, des sentiments, même de, la maternité, de l'intellectualité également de la femme, oui. Etc., etc. Enfin, et vraiment, ça n'est pas du tout une spécialisation. C'est pas que la question sexuelle, c'est certain. On a trouvé très comique la juxtaposition d'un vocabulaire vraiment scientifique, technique et cru avec un vocabulaire philosophique. Mais ça prouve, à mon avis, une double chose. C'est d'abord que les questions sexuelles, on ne considère pas en France qu'on puisse en parler comme de choses sérieuses et que ce sont uniquement des espèces de plaisanteries de collégiens. Et ça prouve d'autre part qu'on n'admet pas que la philosophie soit quelque chose de vivant. Or, au contraire, pour moi, on doit parler de la sexualité comme on parlerait de n'importe quelle autre réalité humaine. Et la philosophie est faite justement pour parler des choses les plus communes, les plus courantes. Et il n'y a aucun paradoxe à avoir parlé sur deux registres en même temps, oui, de cet ordre de fait, puisqu'il se situe vraiment sur deux ordres de réalité humaine. Deux plans différents. Voilà, c'était la voix de Simone de Beauvoir, interrogée dans l'émission Actualité du Livre sur la Radio Nationale. C'était le 4 novembre 1949 par Claudine Chaunet, avec une musique du concerto pour piano de Jean Français, dirigée par Nadia Boulanger en 1949. Et c'est ainsi que nous ouvrons notre première émission consacrée à l'histoire du corps dans la Fabrique de l'Histoire. Avec vous, Sylvie Chaperon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur donc d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes une très grande spécialiste de l'œuvre de Simone de Beauvoir et en particulier de son livre majeur qui est Le deuxième sexe, que vous avez donc lu et relu très fréquemment. On est déjà très surpris quand on entend la voix de Simone de Beauvoir de cette volonté très très forte et de cette capacité à projeter justement ses idées face à son interlocutrice Claudine Chaunet en 1949. On est à la fin de 1949 et on est après quelques 6 mois de scandale dans le milieu parisien que connaissait si bien Simone de Beauvoir, Sylvie Chaperon. Oui, c'est-à-dire que le deuxième sexe a fait beaucoup parler de lui, a fait beaucoup couler d'encre, ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire du féminisme, parce qu'habituellement, un ouvrage écrit par une femme sur les femmes, ça passe à peu près inaperçu, on en parle très très peu. Tandis que là, effectivement, ça a mobilisé les éditorialistes, les chroniqueurs, la presse nationale, les revues intellectuelles pendant plusieurs mois. Et en particulier, comme elle le dit dans cette interview, sur les questions sexuelles qui ne sont pourtant pas majoritaires dans le deuxième sexe. Elle le dit, hein, plus de 1000 pages, c'est un ouvrage assez énorme qui fait une synthèse colossale. Et la critique, effectivement, s'est focalisée sur les questions sexuelles. Alors, beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices ont peut-être entendu parler du deuxième sexe sans jamais l'avoir ouvert. C'est un livre majeur, une sorte de borne, pourrait-on dire, dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle. Mais tout le monde n'a pas eu l'occasion de le lire. Quelle est la genèse de cet ouvrage et comment, d'une certaine façon, est-on surpris aussi de voir Simone de Beauvoir, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, composer ce livre de plus de 1000 pages qui est une véritable révolution dans le champ intellectuel français, européen et même mondial. Oui, alors sur la genèse, elle s'en explique dans ses mémoires et comme d'habitude, elle donne le premier rôle à Sartre, ce qui a passablement irrité les féministes par la suite, parce qu'elle met toujours en avant Sartre et puis après elle dit « nous ». Donc ce serait Sartre qui l'aurait incité à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme quand on est notamment une intellectuelle, puisqu'elle voulait commencer à écrire ses mémoires, à réfléchir à une écriture autobiographique. Et donc suivant les conseils de Sartre, si on en croit ses propres propos, elle se serait plongée dans cette question-là, en s'interrogeant sur elle-même, mais aussi en allant de plus en plus à la Bibliothèque nationale, consulter tout ce qui a été écrit ou presque sur les femmes. Et après, donc elle revient aussi dans ses mémoires sur l'écriture. Elle dit qu'elle a écrit en même temps qu'elle découvrait. Oui. Ce qui est assez surprenant, parce que quand même, elle a pas loin de 40 ans hein, quand elle écrit le deuxième sexe. Enfin, quand elle commence. Elle est née en 1908, en l'occurrence. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'elle découvre cette lecture, elle écrit. De sorte qu'effectivement, le deuxième sexe a parfois un peu une certaine légèreté dans les citations. Bon, puis ce n'est pas non plus une universitaire qui a cette... discipline de la citation. Voilà. Alors, en fait, une sorte aussi de travail en boucle, pourrait-on dire, puisque l'on retrouve de chapitre en chapitre certaines des thématiques autour justement de cette question du corps qui sont présents dans un chapitre et puis qui reviennent dans un autre chapitre et qui font une composition assez particulière de cet ouvrage de plus de 1000 pages, en l'occurrence Sylvie Chaperon. Oui, c'est-à-dire que à la fois elle s'en prend à des savoirs constitués, dominants qu'elle critique d'ailleurs, notamment la biologie, notamment la psychanalyse, notamment le matérialisme historique, mais elle fait aussi une analyse de ce qu'elle appelle les mythes à partir beaucoup de la littérature, et puis une analyse de ce qu'elle appelle la formation ou les situations, c'est-à-dire un peu l'expérience vécue des petites filles, des jeunes femmes, des mères, des amoureuses, des narcissiques, etc., etc. Donc elle utilise à la fois un matériau autobiographique ou biographique, un matériau qui est d'origine scientifique, des sciences de l'époque, en l'occurrence, vous l'avez dit, la médecine, la psychologie, la psychiatrie, etc. Et tout cela compose, enfin, c'est à partir de cela qu'elle compose le deuxième sexe, en l'occurrence, Sylvie Chaperon. Oui, et je pense que c'est très important qu'elle laisse une place si importante à l'expérience vécue, parce que c'est vraiment novateur. C'est pas un ouvrage qui se présente seulement d'un point de vue surplombant notamment le corps, hein, à partir de savoir scientifique ou philosophique, mais vraiment une réflexion alors c'est lié bien sûr à sa formation d'existentialiste et à la mise en avant de la phénoménologie et de l'expérience hein, comme étant au cœur de la vie humaine. Et ça va parler beaucoup aux lecteurs et aux lectrices parce que chacun peut se reconnaître à un moment ou un autre de cette analyse de l'expérience vécue. Mmh. Vous avez dit qu'elle citait évidemment Sartre comme étant la source de ce travail. Il y a aussi une autre source qui est peut-être moins connue, moins fréquemment citée. C'est Colette Audry, qui est une de ses amies, qui a beaucoup discuté avec elle avant même la rédaction du deuxième sexe et qui a peut-être ouvert aussi des voies qui sont méconnues, par exemple dans ce livre qui date de 1947, de deux années avant la parution du deuxième sexe. Qu'elle cite justement dans le deuxième tome, et qui s'intitule « Aux yeux du souvenir », où justement Colette Audry raconte son expérience des règles, par exemple, et qui dit ceci: « De souvenirs revinrent tout à coup, mais on ne sait règles. Quelques mois auparavant, comme nous rentrions de promenade avec Kaki, maman et moi, nous avions rencontré le vieux médecin de Privas, carré comme un bûcheron avec une ample barbe blanche. « Elle se fait grande, votre fille, madame », avait-il dit en me regardant. Et sur le champ, je l'avais détestée sans rien comprendre. Un peu plus tard, maman, à son retour de Paris, avait rangé dans une commode un paquet de petites serviettes neuves. « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé Kaki. Maman avait pris cet air naturel des grandes personnes qui vous révèlent une part de la vérité en réservant les trois autres. C'est pour Colette, bientôt. Muette, incapable de poser une seule question. « J'avais détesté ma mère », explique Colette Audry dans ses yeux du souvenir qui paraissent donc 2 ans avant la publication du deuxième sexe, Sylvie Chaperon. Oui, alors Colette Audry, c'est une amie de Simone de Beauvoir. Elles se sont rencontrées quand elles enseignaient toutes les deux au lycée de Rouen. L'une la littérature, l'autre la philosophie. Et Colette Audry était beaucoup plus engagée politiquement que Simone de Beauvoir ou que Sartre d'ailleurs, parce qu'elle est devenue amie du couple. Elle faisait partie des pivertistes au sein de la SFIO. Voilà, c'est ça. Elle était dans le courant à gauche de la SFIO. Elle avait politisé en quelque sorte avant Simone de Beauvoir la question des femmes et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et régulièrement, elles avaient des conversations et Colette Audry lui disait « J'aimerais écrire un livre où j'expliquerais tout ça ». Et Simone de Beauvoir répondait avec une certaine désinvolture. Enfin, ça n'avait pas l'air de l'intéresser tant que ça. Et c'est assez amusant de voir que c'est finalement Simone de Beauvoir qui écrit ce livre et pas Colette Audry. Alors, elles sont restées amies toute leur vie durant et elles ont continué à discuter de cette question. Et c'est vrai qu'il est important de dire aussi que Simone de Beauvoir n'était pas que dans cette réflexion, que dans un dialogue avec Sartre, mais qu'elle avait un dialogue avec certaines de ses amies IES, donc qui pouvaient justement lui parler de leurs souvenirs, évoquer justement leurs expériences, parce que c'est un livre, vous l'avez dit, Le deuxième sexe, qui est nourri d'expériences féminines. Oui, qui est nourrie d'expériences féminines, nourrie de la littérature féminine, et notamment vous avez cité ce passage, de la littérature parlant du privé, parlant du corps, parlant de la puberté, parlant des premières relations sexuelles, etc. Et nourrie aussi de discussions, de quantité de discussions. Simone de Beauvoir, comme Sartre, avait ce qu'ils appelaient la famille, qui était un réseau d'amis assez important, et les conversations sur le privé, sur la sexualité, faisaient partie de leur vie quotidienne. En quelque sorte. Donc elle mène des enquêtes, évidemment pas comme une sociologue, mais en multipliant comme ça les entretiens intimes avec des femmes. Ce qu'elle fera aussi sa vie durant, puisqu'on a des témoignages des féministes des années 70 disant à quel point elles pouvaient être intrusives, rentrer dans leur vie privée et demander des explications assez importantes. Oui, donc effectivement, le deuxième sexe nourrit de tout cela. Oui, c'est d'ailleurs très étonnant parce qu'effectivement, on a souvent l'idée que les révolutions et les discours sur la sexualité sont souvent issus des années 1968, 1970 et postérieurs. Et en fait, quand on lit le deuxième sexe de Beauvoir, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a déjà une très grande production assez vaste, pourrait-on dire, autour de cette question du corps, autour de cette question de la réflexion sur la sexualité, et que ça n'est pas plus tard, comme on le croit souvent, que cela sera dévoilé au public. Oui, c'est tout l'intérêt du deuxième sexe qui fait vraiment une sorte de chaînon manquant, en quelque sorte, entre le premier féminisme, qui s'était quand même intéressé essentiellement à la question des droits et des inégalités juridiques entre les hommes et les femmes, et le second féminisme, qui va mettre effectivement le corps, la vie privée, la vie amoureuse, la vie sexuelle au cœur de l'interrogation. Et Simone de Beauvoir est un petit peu la première à le faire, alors toute seule, de façon assez isolée, enfin en s'appuyant bien sûr sur la littérature et sur la production livresque, en s'appuyant sur ses entretiens, mais c'est vraiment intéressant de voir comment elle met l'accent sur la vie privée, sur l'expérience vécue des corps et des corps sexués en particulier, ce qui n'était pas fait du tout par le premier féminisme. Donc elle est pionnière, hein, elle avance un petit peu dans cette matière-là de façon tout à fait novatrice. Alors justement, cette question du corps, puisque cela va nous intéresser pendant toute cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire, est véritablement centrale, et c'est par l'expérience des corps qu'elle aborde cette question du deuxième sexe, en l'occurrence. On y trouve des citations multiples autour de la chair maternelle, du détachement du corps nourricier, de la question des organes sexuels, de la façon dont on urine debout ou assis. On y trouve aussi l'idée que le corps peut être un parasite parfois quand on est enfant. Tout cela est central, surtout dans le deuxième tome qui s'intitule « L'expérience vécue », mais également dans le premier, sur les faits et les mythes, comme si elle était partie de cette expérience, justement, pour pouvoir réfléchir, en philosophe qu'elle était aussi, à cette question du sexe et du genre, comme on l'appelle aujourd'hui. Oui, sauf que au moment où Simone de Beauvoir écrit, le concept de genre n'existe pas. Hein, c'est pour ça que je dis comme on l'appelle aujourd'hui. Voilà, comme on l'appelle aujourd'hui. Et elle est encore dans cette idée qu'il y a deux sexes naturels, que les corps sont sexués par la biologie. Elle a d'ailleurs une vision assez négative tout de même, hein, du corps sexué féminin, oui. Dans ce chapitre la biologie, puis elle y revient par la comme suite. Comme un manque d'ailleurs, puisque cette question c'est le manque du pénis, tel qu'elle le décrit dans beaucoup des parties du deuxième sexe. Oui, alors le manque du pénis, mais aussi un corps aliéné par les lois de l'espèce. Hein, elle le dit, la femme est son corps comme l'homme, mais son corps est autre chose qu'elle-même. Et ce autre chose qu'elle-même, ce sont les lois de l'espèce, hein, qui aliènent le corps féminin et qui font ce corps peut tomber enceint involontairement, ce corps saigne tous les mois, ce corps vit l'épreuve de la grossesse, ce corps vit l'épreuve de la ménopause. Et tout ça est présenté de façon assez noir, de sorte qu'il y a quand même une vision assez biologisante d'une différence homme-femme assez bien ancrée dans le deuxième sexe. Mais en même temps, et c'est là toute la force quand même de cet ouvrage, c'est qu'à la fin de ce chapitre si noir, elle dit « mais cela ne suffit pas à expliquer la situation exactement. Des femmes. Et ça ne donne pas le sens au corps des femmes. » Donc elle a aussi ce refus têtu, répété tout le long du deuxième sexe, d'une explication qui ne serait que biologisante. Et donc elle montre tout ce qui est effectivement ce qu'on appellerait aujourd'hui la socialisation, c'est-à-dire l'inculcation de ce devenir femme, comme elle dit. Dans l'autobus, leurs regards se croisaient. Le chaos leur faisait mal au cœur à tous deux. Et aussi de voir les passants bourrés jouant à travers feu, jaune, violet, bleu, à celui qui serait écrasé. Dans l'autobus, ils se sont adorés. Place Clichy, ils se sont séparés. Sans rien savoir, sinon qu'elle est au burn. Avec le sourcil noir et qu'il a les yeux d'un bleu vert. Déjà, ils sont repartis vers leur destin comme des enfants sages. Mais ils se disent, c'est dommage. D'ailleurs, au fil des jours, qui donc sut trouver un autre mot pour finir une histoire d'amour. Un extrait du roman Batignolles, extrait du Paris Sentimental, un titre de 1949 composé par Germaine Taillefer sur un texte de Marthe Lacloche, interprété par Mario Accard, baryton, et Claude Collet, piano, donc 1949, l'année de publication du deuxième sexe qui est au cœur de notre émission du jour avec vous, donc Sylvie Chaperon, en direct depuis les studios de Radio France à Toulouse, de France Bleu Toulouse. Alors, on évoquait justement ces données de la biologie telles qu'elles étaient pensées par Simone de Beauvoir au moment du deuxième sexe, mais aussi ces données de la culture qui vont donner d'ailleurs l'idée bien plus tard à la naissance de ce qu'on appelle l'histoire du genre, parce qu'il y a toute cette dimension effectivement culturelle de construction des sexes tout au long de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse des jeunes femmes et des jeunes hommes en l'occurrence. Elle explique bien que effectivement ces questions liées à la culture sont essentielles, même si elles gardent une part de biologie, sont essentielles pour comprendre comment le corps de la jeune fille peut poser problème à la jeune fille et comment le corps du jeune homme peut poser aussi des problèmes au jeune homme. Oui, en fait, elle fait quand même une sorte d'archéologie, d'analyse du genre tout au long de cet ouvrage, parce qu'elle compare presque systématiquement l'enfance du garçon et l'enfance de la fillette, l'adolescence de l'un et l'adolescence de l'autre, les premiers rapports sexuels de l'un et les premiers rapports sexuels de l'autre, etc. etc. Elle dit par exemple que le garçon, on lui interdit à partir d'un certain temps les baisers et les caresses, tandis que la fille a droit au contact charnel et au regard complaisant, qui la protège contre l'angoisse de la solitude, mais qui en même temps lui dit que bien ce corps peut être désiré par d'autres, tandis que le garçon le cache, ce corps. Tout cela, c'est au cœur de la réflexion de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, Sylvie Chaperon. Oui, oui. Et donc, elle fait aussi une analyse du masculin, ce qui est assez intéressant. Hein. Et effectivement, elle montre la difficulté pour les petits garçons de passer de la petite enfance qui, dit-elle, est neutre, hein, où on traite à peu près de façon similaire le petit garçon et la petite fille. Et puis, à un moment, eh bien, il faut que le petit garçon se fasse couper les cheveux, quitte sa robe, arrête de pleurer, arrête de demander des cajoleries. Et ça peut être vécu, effectivement, difficilement par le petit garçon. Tandis que la petite fille, effectivement, on l'incite à plaire, à faire des cajoleries, à être dans la tendresse, à être dans l'altruisme. Et puis, bien sûr, à imiter sa maman, à faire la petite maman, à faire la petite ménagère pendant toute son enfance. Oui, alors c'est un livre monstre, on peut dire, Le deuxième sexe, pas simplement parce qu'il a plus de 1000 pages en deux tomes, mais parce qu'aussi il est nourri, vous l'avez dit, de diverses références qui viennent de partout, qui datent évidemment de ces années du milieu du XXe siècle, mais qui sont extrêmement utiles pour comprendre aussi comment un livre comme celui-ci peut, au moment de sa publication, et d'abord de sa prépublication dans Les Temps modernes, la revue qu'elle avait cofondée avec Sartre, donc peut apparaître comme un livre scandaleux, parce qu'elle y parle ouvertement des organes sexuels, elle y parle ouvertement des rapports sexuels, elle y parle ouvertement de l'homosexualité, de la question de l'avortement, toutes choses qui sont souvent laissées sous le boisseau dans cette période des années 1940-1950, Sylvie Chaperon. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle met sur la place publique, qu'elle met à l'agenda de la discussion commune, en quelque sorte, des questions qui étaient éminemment privées, éminemment taboues, et qui n'avaient place que dans la littérature, on va dire, médicale, hein, ou dans la littérature pornographique, pour ce qu'il s'agit de la sexualité. Donc, et personne n'est habitué à ce qu'une philosophe parle de ces choses-là, hein, de la question de la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qui fait... Bon, c'est ce qu'elle dit dans l'interview que vous avez citée au départ. Hein, on n'est pas habitué à voir mélanger la sexualité et la philosophie. Or, pour elle, c'est une conséquence de la phénoménologie, du primat de l'expérience vécue, en quelque sorte. C'est absolument nécessaire de réfléchir philosophiquement à ces questions-là, ce qu'elle fait. Et puis, évidemment, c'est une femme. Et donc, on n'est pas habitué à... Parce que les femmes sont définies quand même au premier chef par la pudeur. Hein. On n'est pas habitué à ce qu'une femme parle des choses du sexe avec un langage effectivement très cru. Hein. Elle ne prend pas de pincettes. Un chat est un chat. Hein, et elle prend le vocabulaire plutôt médical d'ailleurs. Mais aussi, elle analyse l'argot. Hein, et l'argot qui dévalorise le corps des femmes pendant la sexualité. Hein. Elle dit l'homme bande, décharge, conquiert. La femme se donne, s'abandonne. Bon, elle analyse aussi tout ce vocabulaire un peu militaire des rapports sexuels. Donc ça crée effectivement un scandale, et un scandale qui va se polariser sur les questions de la sexualité, pas tellement sur les autres enjeux qui font la majorité du deuxième sexe. Oui, alors c'est intéressant parce que vous qui avez analysé avec d'autres historiennes et historiens la réception de cet ouvrage du deuxième sexe en 1949 et dans les années qui ont suivi, Sylvie Chaperon, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de réception contrastée. Il y a beaucoup d'hommes qui vont critiquer François Mauriac en tête, mais également Julien Gracq ou d'autres, le style, le ton, la façon dont Beauvoir parle de la sexualité en particulier. Et puis il y a beaucoup de femmes qui peut-être ne le critiqueront pas, qui vont acheter ce livre et qui vont être parfois choqués, mais qui en même temps vont être nourris par la lecture du deuxième sexe, en l'occurrence. Et donc, et il y a aussi des hommes qui ont été nourris par ce livre, bien évidemment, ça n'est pas aussi marqué que cela, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a une réception très négative d'un côté, par la presse, par la critique, par les milieux littéraires en particulier, et une réception publique très forte, très intéressée, très intéressante, puisque le livre sera immédiatement un grand succès, Sylvie Chaperon. Oui, c'est-à-dire que bon, le livre sort aussi en plein pendant la guerre froide, et ça c'est important de le rappeler parce que Sartre, Simone de Beauvoir, les temps modernes ont tenté pendant un temps, jusqu'en 50, la neutralité, hein, de n'être ni pro-soviétique ni pro-atlantiste, et même de critiquer les deux. Du coup, ils sont en pris créant en partie, un parti pour Sartre avec David Rousset, qui était revenu des camps de concentration et en tentant justement une sorte de troisième voie qui ne durera pas très longtemps d'ailleurs. Qui ne durera pas très longtemps, mais qui du coup, effectivement, va attirer la critique tant des intellectuels communistes que des intellectuels, on va dire, de la droite traditionnelle pro-atlantiste. Et on a effectivement François Mauriac qui va lancer une grande enquête dans le Figaro littéraire, appelant les chrétiens de 20 ans hein, à réagir contre cette décadence de la littérature, cette littérature de bidet qui lui donne la nausée. Enfin, les mots sont très très forts, hein, parce que Simone de Beauvoir, comme Sartre d'ailleurs, comme les littérateurs de Saint-Germain-des-Prés, sont accusés de faire descendre la littérature auprès des plus bas instincts corporels, hein, plutôt que de magnifier la grandeur culturelle française. Et ça, c'est une critique assez amusamment, de façon assez drôle, qu'on trouve aussi bien du côté de la gauche communiste, avec Jean Canapa, avec Jeannette Prenant, que de la droite plutôt catholique, avec François Mauriac, Claude Mauriac et bien d'autres. Et puis, ce sont essentiellement des hommes, mais ça, c'est le reflet, on va dire, de l'intelligentsia de l'époque. Du milieu intellectuel et du milieu littéraire. Tout à fait, de l'époque où finalement les femmes sont peu nombreuses. Mais vous avez quand même quelques femmes qui vont prendre la plume, alors parfois pour attaquer, hein, notamment les femmes communistes, et puis le plus souvent pour défendre Françoise Daubonne, Colette Audry, Dominique et Horry. D'autres. Hein. Comment ? Dominique Horry également. Dominique Horry aussi, hein, effectivement. Qui dit, de honte ou de gêne, chrétienne ou non, pas la moindre trace chez Simone de Beauvoir. À sa parfaite liberté d'esprit se joint un acharnement très féminin de bonne ménagère qui ne veut pas laisser de poussière dans les coins. Elle épuise toutes les questions, elle ouvre toutes les fenêtres tout grand, elle allume par tous les lampes à la fois dans toutes les pièces. Et que voit-on ? Eh bien, ce n'est pas beau, dit Dominique Horry à propos de ce que décrit justement de la condition des femmes décrite par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, Sylvie Chaperon. Oui, et donc on a effectivement quelques critiques positives. Et puis, ce scandale qui sent un peu le soufre fait aussi qu'il y a une très très forte médiatisation de cet ouvrage et du coup des ventes qui sont bien supérieures à ce qui était attendu, puisque le tirage qui était déjà fort important quand même pour un ouvrage philosophique très long de 22 000 exemplaires est atteint dès la première semaine. Et du coup, le deuxième sexe va entamer ce voyage au long cours avec des rééditions successives et trouver un public très très vaste. Et d'ailleurs, il faut rappeler à cet égard que Simone de Beauvoir noue un lien quand même assez important avec ses lecteurs et ses lectrices, et elle va garder notamment toutes les lettres qu'elle a reçues, qui sont déposées à la Bibliothèque nationale. Et vous avez une jeune chercheuse, Marine Rouge, qui travaille actuellement dessus, à dépouiller toutes ces lettres, qui sont des témoignages hein, de reconnaissance vis-à-vis de Simone de Beauvoir, à la fois sur le deuxième sexe, mais aussi sur son premier tome des mémoires, Mémoires de jeune fille rangée, qui est sans doute l'ouvrage le plus lu de Simone. 1958, c'est ça, un peu plus tard. Oui, c'est ça. Et effectivement, certaines lectrices, comme Ménie Grégoire, qui elle-même a déposé, après avoir fait des études d'histoire, ses archives, donc après avoir fait toute sa carrière à RTL, a déposé ses archives aux archives d'Indre-et-Loire, eh bien, les archives de ce qu'elle a reçu de ses auditrices et de ses auditeurs de RTL quand elle faisait ses émissions, en particulier autour de la sexualité, eh bien, Ménie Grégoire avouait dans un livre de mémoire qu'elle avait haï ce livre au tout départ en le lisant, mais qu'il l'a fasciné et d'ailleurs qu'elle s'en sera nourrie plus tard, mais qu'au tout départ, peut-être son enfance de jeune catholique de la région de Cholet a-t-elle été choquée par cela. En tout cas, ça ne lui a pas beaucoup plu au tout départ, Aménie Grégoire. Et ça doit être aussi un type de réception qu'il faut entendre à propos de ce deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Sylvie Chaperon. Oui, c'est-à-dire que toutes les lectrices n'ont pas adhéré, bien évidemment, au deuxième sexe. Bon, déjà, il y a une difficulté de lecture, hein. Et ce sont essentiellement les femmes diplômées qui vont rentrer dans l'ouvrage, qui a quand même un jargon philosophique assez important qui peut rebuter. Et puis la taille de l'ouvrage aussi peut le faire, hein. Yvette Roudy, par exemple, avouera qu'elle n'a jamais lu le deuxième sexe ou qu'elle ne l'a lu que très tardivement parce que ça lui tombait des mains, tout simplement. Première ministre des droits de la femme, c'est ça, de François Mitterrand en 1980, hein, Yvette Roudy. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qu'elle fera en commun avec Simone de Beauvoir, qui était une sorte d'experte, hein, dans son cabinet. Et puis, il y a des femmes, effectivement, qui ont été profondément choquées, hein, de par leur culture catholique ou de par cette pudeur qui était tout de même inculquée aux femmes. Et on ne parle pas de ces questions-là. Ménie Grégoire, là où elle dit qu'elle a détesté cet ouvrage, c'est parce que cet ouvrage, finalement, la met au pied du mur, en disant « ta vie ne peut pas être justifiée simplement par tes enfants. Oui. Si tu ne fais pas quelque chose de ta vie, tu ne la justifies pas. » Et ça, c'est un message alors qui est vraiment au cœur du deuxième sexe, hein, mais qui peut être violent à recevoir quand on est une femme au foyer, tout simplement, hein. Yes, you do the tiny boogie. You do it all night long. Girls, you got a good man. You better take care. You wake up some mornings and he won't be there. He'll be doing the tiny boogie. Yes, you do the tiny boogie. Oh, you do the tiny boogie. You do it all night long. I know what it takes to make your love come down and do the tiny boogie. Yes, and do the tiny boogie. Oh, you do the tiny boogie. You do it all night long. The Tiny Boogie, un titre des années 40 par un big band féminin, entièrement féminin, des années 40 aux États-Unis, les International Sweethearts of Rhythm. Donc, nous sommes avec vous, en l'occurrence, Sylvie Chaperon, pour évoquer en 1949 la parution du deuxième sexe, ce livre très important qui va continuer, tout compte fait, sa vie bien après les années 1940. Et c'est peut-être en cela qu'il est encore plus passionnant, ce livre. Quand on le lit aujourd'hui, on est très impressionné par l'impression de découvrir une fin d'année 40 que l'on n'imaginait pas au bout du compte, en particulier cette liberté de ton qu'emploie Simone de Beauvoir. Et il va être utile plus tard, c'est-à-dire il est utile au moment où il est publié, mais il va continuer à être utile dans les années 50, 60 et 70. Oui, parce que Simone de Beauvoir va devenir un petit peu la spécialiste, hein, et le deuxième sexe, c'est l'ouvrage de référence sur les questions de femmes. Et d'ailleurs, elle va accompagner, hein, au fur et à mesure de la création de nouvelles associations, de nouvelles revendications. Elle ne va cesser d'accompagner les combats des femmes, et notamment quand est créée dans les années 1950, en 1956, l'association la Maternité Heureuse, qui est l'ancêtre du mouvement français pour le planning familial. Simone de Beauvoir va préfacer les ouvrages de la présidente de cette association pour réclamer, ce qu'elle réclamait évidemment déjà dans le deuxième sexe, la libéralisation de la contraception, qui est interdite en France depuis 1920. Et la question de l'avortement aussi, évidemment. Et la question de l'avortement, quelques années plus tard, où effectivement la rencontre entre le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui apparaît en 1970, et Simone de Beauvoir, va se faire très très vite sur la question de l'avortement, parce que les militantes vont tout simplement toquer chez elle, dans son petit studio de la rue Schœlcher, pour avoir son soutien, et ça va faire le manifeste des 343 auquel Simone de Beauvoir a contribué, notamment en ouvrant son carnet d'adresses. Et nous en reparlerons d'ailleurs dans l'émission de jeudi, puisque nous parlons de l'invention de la méthode Carman au tout début des années 1970, et avant la loi Veil de 1974. Donc il y a, pourrait-on dire, une sorte d'antériorité qui justifie l'importance du livre, mais aussi peut-être des surprises successives de ses lectrices et lecteurs au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, parce qu'on peut y trouver, c'est un livre monstre, je le disais tout à l'heure, parce qu'il est très important, et on peut y trouver ce qu'on y cherche. Le chapitre sur l'homosexualité, sur la lesbienne, par exemple, peut aussi permettre à des jeunes filles ou des jeunes femmes de trouver là une réponse à des questions qu'elles se posaient et dont elles n'avaient pas écho dans le reste de la presse ou dans le reste des publications de ces années-là, en l'occurrence. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'un chapitre qui s'intitule « La lesbienne » dans un ouvrage général sur la condition des femmes, c'est tout à fait étonnant, en 1949. Et dans ce chapitre, elle est très novatrice, puisqu'elle récuse tout à la fois les théories de la psychiatrie, les théories de Freud et les théories de la sexologie, pour affirmer très calmement que c'est un choix. Alors, comme elle dit, un choix fait en situation et qui... Attitude choisie en situation, c'est-à-dire à la fois motivée et librement adoptée, dit-elle. Voilà, c'est ça. Et qu'à tout prendre, quand on cherche l'égalité, eh bien l'homosexualité est sans doute plus facile que l'hétérosexualité, puisqu'elle a bien montré dans les chapitres successifs qu'elle consacre à la question de la sexualité, que la sexualité a été faite, comme bien d'autres domaines, par les hommes et pour les hommes. Et donc, pour les femmes, vivre l'égalité dans la sexualité, dans l'hétérosexualité, finalement, est plus difficile que dans l'homosexualité. C'est quand même particulièrement novateur, même si effectivement dans les années 70 on va lui reprocher de ne pas s'être assez affichée elle-même comme une lesbienne, puisque on l'apprendra par la suite, elle a eu des expériences avec des femmes mais qu'elle a soigneusement cachées sa vie durant. Oui, c'est d'ailleurs le reproche que peut lui faire par exemple Marie-Jo Bonnet dans un livre récent, je crois que c'était en 2015 effectivement, où elle dit en fait au bout du compte ce qu'on peut reprocher à Simone de Beauvoir, c'est de ne pas avoir dit elle-même qu'elle avait donc eu des expériences homosexuelles, peut-être même qu'elle était homosexuelle, et puis d'avoir maltraité ses jeunes amantes en particulier, et de les avoir méprisées de façon assez remarquable. Cela, on le sait, à partir des lettres qui ont été publiées au fur et à mesure du temps, en particulier lettres à Jean-Paul Sartre, en l'occurrence, Sylvie Chaperon. Oui, les lettres à Sartre, puis par la suite les lettres à Bost, qui ont été publiées plus tard, et puis dans le carnet de la drôle de guerre, où effectivement elle a une attitude un petit peu qui a pu être qualifiée de machiste. Mais il faut dire que les expériences homosexuelles qu'on connaît d'elle sont avec des très jeunes femmes, de 17, 18, 19 ans, qui sont ses élèves, et donc il y a une très très forte verticalité. Peut-être a-t-elle eu d'autres expériences beaucoup plus horizontales et beaucoup plus égalitaires qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, celles qu'on connaît, ce sont celles-ci. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ces lettres, c'est les expériences qu'elle raconte à ses amants masculins. Oui. En l'occurrence, Bost et Sartre. Donc, ce serait bien de connaître la correspondance amoureuse de Simone de Beauvoir avec ces jeunes femmes. On aurait sans doute une autre vision des relations qu'elles pouvaient entretenir ensemble. Et cela, on ne l'a pas, positive. Cette correspondance, en l'occurrence, on ne la connaît pas. Non, parce que Sylvie Lebon de Beauvoir, qui est donc l'exécutrice testamentaire de Simone de Beauvoir et qui gère les œuvres posthumes, n'a pour le moment pas publié ou imprimé ces correspondances. Il y a des lettres, on le sait, elles ont pu être regardées par certaines chercheuses, mais elles ne sont pas rendues publiques encore. Alors, des philosophes et historiennes comme Elisabeth Badinter peuvent dire que la vie de Beauvoir est une véritable pédagogie de la liberté féminine. Vous êtes d'accord avec cette impression-là, c'est-à-dire que elle a non seulement théorisé cette liberté des femmes et cette nécessité des femmes justement à assumer leur corps et à combattre pour pouvoir avoir des droits parallèlement, mais également elle a fait de sa vie une sorte de manifeste en l'occurrence. Est-ce que cela vous paraît juste en l'occurrence, Yves Chaperon? Oui, ça paraît juste, surtout sur les questions justement amoureuses et sexuelles, puisque Simone de Beauvoir, bon, il faut dire qu'elle a été fortement encouragée par Sartre au début, mais Simone de Beauvoir a refusé le mariage, a refusé la vie domestique commune, a refusé l'enfant, a refusé la monogamie. Hein. Donc, tous les deux, Sartre et elle, ont réinventé finalement le couple, ont réinventé la vie amoureuse, et ils ont servi de modèle à toute une génération qui voulait sortir un petit peu des ornières de la vie domestique bourgeoise et de la très forte différenciation homme-femme qu'ils pouvaient avoir dans des couples classiques. Donc elle a effectivement réinventé le couple. Et puis, en s'autorisant des relations amoureuse avec de très jeunes femmes, elle est très transgressive aussi. Hein. D'ailleurs, une des mères a porté plainte. Il y a eu une enquête qui finalement n'a pas abouti à un procès, mais elle aurait pu être condamnée hein, pour détournement de mineurs, notamment puisque la majorité était jusqu'à 21 ans à l'époque. Donc, elle a pris des risques, hein, sciemment, elle les connaissait. Donc, oui, je pense que elle a appliqué ce qu'elle disait par écrit, à savoir la liberté, la liberté dans tous les domaines, et ne pas être dans ce qu'elle appelle l'immanence, c'est-à-dire la reproduction d'un certain conformisme, mais plus dans l'invention de sa propre vie et de ses propres objectifs. Nous sommes toutes vengées, disait au moment de la publication en 1949 ou 1950 Françoise Daubonne, qui sera aussi une très grande militante du féminisme des années 1970. Nous sommes toutes vengées. Il y avait cette dimension aussi de vengeance de celles qui avaient été longtemps mises sous le boisseau, les femmes, par une histoire qui était essentiellement racontée par des hommes, en l'occurrence Sylvie Chaperon. Oui, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour les années 50, 60, moins peut-être pour les années 70, où il y a toute une littérature qui vient se substituer ou se rajouter au deuxième sexe, mais jusque dans les années 50 et 60, c'est le fer de lance du féminisme, le deuxième sexe. Et comme vous le dites, on y trouve ce qu'on vient y chercher, c'est-à-dire que ça part dans tellement de directions possibles qu'on peut y voir en fait l'archéologie des futures études féministes qui vont apparaître dans les années 70, où à travers du prisme, le prisme féminisme, on va relire les disciplines, hein, la psychanalyse, le marxisme, l'histoire, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, etc., etc. Et Simone de Beauvoir le fait finalement elle-même, hein, de façon un peu artisanale et très isolée, dans le deuxième sexe. Donc c'est vraiment, comme le dit Michel Ledeuf, hein, une philosophe, c'est le mouvement d'avant le mouvement. C'est-à-dire que dans les pages, on vient faire une rencontre féministe qu'on ne peut pas faire parce que il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement féministe à proprement parler. Il n'y a que des associations relativement isolées les unes des autres. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir comment effectivement a été reçu successivement après les années 70, avec la naissance du genre, de la naissance de l'histoire du genre, etc. A été reçu l'œuvre de Beauvoir à travers ce deuxième sexe. Il y a eu des critiques, vous l'avez dit, dans les années 1970, parfois contre ce livre, mais néanmoins, il n'est pas considéré comme totalement obsolète par les gens qui travaillent aujourd'hui sur l'histoire du genre. Même Judith Butler, par exemple, ne le considère pas comme un livre à ne pas lire. Au contraire, c'est un livre important pour elle, je crois. Oui, et elle le discute, hein. Elle le discute dans Troubles dans le genre, qui est en fait un essai philosophique beaucoup à partir de théoriciens et théoriciennes français, notamment Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Julia Kristeva, Lucie Rigaraille, etc. Et effectivement, elle consacre tout un chapitre au deuxième sexe, et alors elle tire le deuxième sexe vers sa propre interprétation du genre, hein. Donc elle vient elle aussi y chercher ce qu'elle veut y trouver, c'est-à-dire c'est-à-dire le genre avant le genre. Hein, voilà, c'est encore, c'est vraiment le, on pourrait dire le démarrage hein, des études de genre qu'on peut trouver dans le deuxième sexe. Oui, on peut dire tout de même qu'il y a toujours une sorte de soupçon porté sur Beauvoir pour son caractère naturaliste, c'est ce qu'on disait au tout début de notre discussion avec vous, Sylvie Chaperon, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des sexes composés et non pas culturels comme le pense l'histoire du genre, et que certes elle compense, pourrait-on dire, cette tendance naturaliste par une vision un peu culturaliste à certains moments, mais que cela reste comme une sorte de faute originelle, pourrait-on dire, pour certains ou pour certaines, vis-à-vis de cette œuvre de Simone de Beauvoir. Oui, mais là, on ne peut pas faire un anachronisme tel que d'aller lui reprocher de ne pas penser comme penseront les féministes des années 1990. C'est tout simplement pas possible. Elle n'est pas outillée mentalement pour le faire. Et je trouve que c'est déjà beau qu'elle ait réussi à lancer l'analyse féministe sur des thèmes qui étaient complètement entre les mains des sexologues, des psychanalystes, c'est-à-dire sur le thème de la sexualité. Elle est quand même rentrer sur des terrains nouveaux avec le regard féministe. Alors certes, sa pensée bascule parfois et tombe dans un certain naturalisme et biologisme, mais elle ne pouvait pas faire autrement, tout simplement, avec l'outillage mental dont elle disposait à l'époque. En revanche, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle a permis aux autres d'aller plus loin, de reprendre son analyse, de la creuser plus loin, surtout dans un mouvement collectif, parce que je pense que les mouvements sociaux, justement par la pluralité des approches qu'ils permettent, permettent d'aller beaucoup plus vite dans la déconstruction des savoirs oppressifs. Simone de Beauvoir l'a fait toute seule. Les théoriciennes des années 70 l'ont fait par centaines. Donc forcément, elles ont accéléré le processus. Merci beaucoup Sylvie Chaperon d'être venue en ouverture de cette série d'émissions consacrée à l'histoire du corps, nous parler d'un livre paru il y a tout juste 70 ans, puisque c'était en mai 1949, et le deuxième tome paraîtra donc après l'été, en 1949, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On peut lire de vous en particulier Les années Beauvoir, paru chez Fayard au tout début des années 2000, avec un large chapitre consacré justement à la réception de ce deuxième sexe, mais également d'autres articles que l'on mettra sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Merci encore, ainsi qu'à nos collègues de Radio France à Toulouse qui vous ont accueillis dans leur studio. Merci Sylvie Chaperon. Merci. France Culture, la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Nous avons appris à la toute fin de la semaine dernière, c'était vendredi dans l'après-midi, la disparition de quelqu'un que nous aimions bien. Il s'appelait Jean-Pierre Farkas. Il avait dirigé la rédaction de France Inter avec bonhomie, avec humour et avec une bonne pointe d'ironie, y compris vis-à-vis de lui-même. Il disparaît donc à l'âge de 85 ans et depuis le début des années 60, il avait vécu, on peut le dire, toutes les aventures de la presse écrite et de la presse parlée, puisqu'il avait été à la fois un des premiers reporters à Radio Luxembourg, il avait dirigé, je l'ai dit, la rédaction de France Inter, il avait été celui qui malheureusement avait mis fin à l'aventure d'un très grand journal, le journal Le Combat, avec la dernière une qu'il avait composée. Cette une mettait en une « Silence, on coule », mais il avait également dirigé la rédaction de Elle et du journal du Dimanche. Il avait été le créateur du journal Inattendu sur RTL, le concepteur aussi pendant les années 1968 et pendant le mouvement de 1968 d'un dialogue absolument exceptionnel. On a souvent passé dans cette émission entre le vice-recteur de Paris, le recteur Chalin, et Alain Gesmard, le syndicaliste qui menait les événements de 1968. Il les avait fait dialoguer sur l'antenne de Radio Luxembourg. Mais il avait ensuite, il était venu à Radio France entre 1981 et 1997, une longue expérience et nous l'avions croisé à ce moment-là. Et plus tard, dans la Fabrique de l'Histoire, en 2011, il était venu nous raconter comment tout cela avait commencé. Et cela avait commencé par son service militaire en Algérie en 1958, où il avait profité de son service militaire pour commencer justement à travailler comme journaliste. Il avait dit qu'il ne travaillait pas très bien à ce moment-là, en 1958-1960, mais il avait appris les nouveautés techniques qui permettaient de faire un reportage différent à la radio. C'était la naissance du Nagra, le magnétophone portable d'un côté, et du transistor de l'autre. Le miracle pour nous, hommes de radio, c'est qu'à peu près en même temps que le transistor, on a découvert le nagra. Le nagra, c'est un mot polonais qui veut dire « j'enregistre ». Le nagra est un magnétophone portatif qui a été inventé par un ingénieur polonais, Kudelski, et qui, pour ceux qui ont fait de la radio à l'époque, a été la première libération, parce qu'avant, il fallait tirer des câbles pour faire de la radio. Le direct est venu ensuite, mais pour enregistrer, il fallait quand même... Moi, ça se mélange un peu dans mon souvenir et mes deux vies, mais pour moi, l'arrivée du nagra est aussi décisive que l'arrivée du transistor. C'est-à-dire, en même temps, la liberté pour les auditeurs de choisir des programmes différents et pour les journalistes de travailler plus en contact avec les témoins. Et ces deux libertés ont coïncidé. Le transistor plus le nagra, ça a été l'innovation de la radio moderne. Qu'elle soit maintenant aujourd'hui dépassée, c'est pas très important. Que vous soyez maintenant à France Culture en train de, plutôt que de copier des bobineaux, en train de faire du numérique, il n'empêche que pour parler et être entendu, la radio a joué un rôle décisif pendant la guerre d'Algérie et qui n'aurait pas été aussi décisif s'il n'y avait pas eu d'un côté le nagra à manivelle et de l'autre côté le transistor pour écouter. Le en même temps de Jean-Pierre Farkas, en l'occurrence, vous pourrez d'ailleurs, si vous le voulez, aller sur le site de France Culture pour entendre l'intégralité de ce grand entretien qu'il nous avait accordé avec Renaud Dalmar en 2011. Nous en mettrons le lien et puis on pourra penser à lui à l'occasion, jeudi prochain, entre 9h et 17h, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, de ce colloque qui s'intitule « Une mémoire de la guerre d'Algérie en 2019, la place des archives nationales et internationales », un colloque qui se déroule donc à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Et il avait longtemps participé et de façon très résolue à l'espace parisien Histoire-Mémoire de la guerre d'Algérie, où il voulait réconcilier les mémoires entre tous ceux qui s'étaient combattus pendant la guerre d'Algérie. Vous pouvez donc vous rendre le jeudi 11 avril, jeudi prochain, de 9h à 17h, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris pour entendre des historiens, des historiennes, et également penser à Jean-Pierre Farkas. France Culture. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Nicolas Slimani nous a accompagné à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous continuons notre série sur l'histoire du corps. Et cette histoire du corps sera consacrée demain à la question du corps des aristocrates et du corps du roi, en particulier sous l'Ancien Régime, bien entendu.